Pas la peine de continuer, c'est la tante Amélie. Ils sont tous trop faciles, vos portraits. Je vais faire le suivant. Attention, ça va être plus difficile. Les oreilles décollées, de grosses lunettes, une barbe énorme, des moustaches tombantes, et surtout un nez immense, monumental. Il n'est pas très joli, ton bonhomme. Je ne vois pas. De la pierre, notre prof de maths. Oh, mais c'est pas du jeu. On ne le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il n'est pas de la famille. Il est bête comme ses pieds. Il n'y a pas plus vache. Pas la peine de continuer. Pas la peine de continuer. Allez, je vais faire le suivant. Je vais faire le suivant. Les oreilles décollées. Les oreilles décollées. Et surtout, un nez immense. Un nez immense. Et surtout, un nez immense. Monumental. Il n'est pas très joli, ton bonhomme. Ton bonhomme, ton bonhomme. Il n'est pas très joli. Il n'est pas très joli. Il n'est pas très joli, ton bonhomme. Je ne vois pas. Je ne vois pas. De la pierre, notre prof de maths. Notre prof de maths. C'est notre prof de maths. De la pierre. Le prof de maths de Georges. Est-ce qu'il a de jolies oreilles? Non, il a les oreilles décollées. Ah, mais ce n'est pas du jeu. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas, nous. On ne le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. Il n'est pas de la famille. Pourquoi Mireille dit-elle que ce n'est pas du jeu? Parce qu'il n'est pas de la famille. Elle ne le connaît pas. Ah, heureusement, il est bête comme ses pieds. Il est bête comme ses pieds. Et il n'y a pas plus vache. Il est vache. Il n'y a pas plus vache. Est-ce que Delapierre est intelligent? Non, il est bête comme ses pieds. Est-ce qu'il est gentil, généreux? Non, il est vache. Il n'y a pas plus vache.